dans sa robe blanche, elle fixe mes mains, pose sur ses hanches, retirant cet écrin. Belle est l'innocence d'amour sans lendemain. J'enivre mes sens, la tête contre ses seins. Mon cœur s'envole, mais mon corps reste à terre dans une farandole, comme ces corps qu'on enterre. Mon cœur s'envole, mais mon corps reste à terre comme une idée frivole dans une bouffée d'éther. Croire à l'éternel, penser que rien n'est vain, souffler l'étincelle dans le creux de ses reins. Passer sous silence des cris à perdre haleine, dans l'ombre elle danse, pas à pas elle égrène. Mon cœur s'envole, mais mon corps reste à terre dans une farandole, comme ces corps qu'on enterre. Mon cœur s'envole, mais mon corps reste à terre comme une idée frivole dans une bouffée d'éther. Cette grande chambre de l'ombre à la lumière, debout sur ses jambes, elle s'avance droite et fière, tire sur mes chaînes, elle m'attire et me brûle, coulant dans mes veines à l'heure du crépuscule. Mon cœur s'envole, mais mon corps reste à terre dans une farandole, comme ces corps qu'on enterre. Mon cœur s'envole, mais mon corps reste à terre comme une idée frivole dans une bouffée d'éther. Enfin vient l'étreinte qui tous deux nous lie. Toute lumière éteinte, la nuit nous désunit. De nos corps fébriles, nous attisons le feu. Comme une flamme docile, elle consume peu à peu. Mon cœur s'envole, mais mon corps reste à terre dans une farandole, comme ces corps qu'on enterre. Mon cœur s'envole, mais mon corps reste à terre comme une idée frivole dans une bouffée d'éther.